T'es capable de tuer pour une histoire d'ego. Oh, t'en les cités, beaucoup de façons vont trop tôt. Oh, range ton couteau, range ton gun, arrête de tuer les gens pour le fun. Tu ferais mieux de protéger tes égos. Oh, t'es capable de tuer pour une histoire d'ego. Cités, beaucoup de façons vont trop tôt. Oh, range ton couteau, range ton gun, arrête de tuer les gens pour le fun. Tu ferais mieux de protéger tes égos. Trop de gunshots dans les cités, les lascars sont énervés. Je sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Franchement, même le plus jeune est déjà armé. Avec lui, faut pas bluffer. Mais au lieu de protéger la communauté, ils tirent sur mes Breda, tirent sur mes Sista, tirent sur tous ceux qui se trouvent devant son Beretta. Tu peux pas l'arrêter, il a fumé la meca. De tirer sur sa mama. Lui pas pas de respect, il ne se respecte même pas. Lui pas pas de job pour lui, Dieu c'est son Beretta. L'animal revient pas, y'a tous les bananes qui n'ont pas la voix. Car je les ai entendus tuer un jeune près de chez moi. T'es capable de tuer pour une histoire d'ego. Oh, dans les cités, beaucoup de façons vont trop tôt. Oh, range ton couteau, range ton gun, arrête de tuer les gens pour le fun. Tu ferais mieux de protéger tes égos. Oh, t'es capable de tuer pour une histoire d'ego. Cités, beaucoup de façons vont trop tôt. Oh, range ton couteau, range ton gun, arrête de tuer les gens pour le fun. Tu ferais mieux de protéger tes égos. J'habite Ivryport, chez moi c'est le sud, c'est pas le nord. Dans mon quartier, les jeunes font des efforts, ils font de la musique ou du sport. Même si certains sont restés hardcore, je suis fier de mon quartier et j'ai pas tant. La vie est dure, il nous faut être fort. Ils veulent transformer nos cités en cités de la mort. Encore une maman qui pleure pour son enfant qui est mort. La vie d'un être humain vaut bien plus que de l'or. Lève ta main si avec nous t'es d'accord. T'es capable de tuer pour une histoire d'ego. Oh, dans les cités, beaucoup de façons vont trop tôt. Oh, range ton couteau, range ton gun, arrête de tuer les gens pour le fun. Tu ferais mieux de protéger tes égos. Oh, t'es capable de tuer pour une histoire d'ego. Oh, dans les cités, beaucoup de façons vont trop tôt. Oh, range ton couteau, range ton gun, arrête de tuer les gens pour le fun. Tu ferais mieux de protéger tes égos. Comme la piste allemand, les gens rasent les murs. Y'a les meurtriers de Dennis. Les lascars n'ont pas peur de la mini de la police. Dis-moi combien de mères pour leur fils attendent qu'il y ait justice. Elle ne supporte plus de ne plus pouvoir lui faire la bise. Son enfant a disparu comme la fumée d'un bidis. Si elle voit l'assassin de son fils, que veux-tu qu'elle lui dise? Que veux-tu qu'elle lui dise? Joe, t'es capable de tuer pour une histoire d'ego. Oh, dans les cités, beaucoup de façons vont trop tôt. Oh, range ton couteau, range ton gun, arrête de tuer les gens pour le fun. Tu ferais mieux de protéger tes égos. Oh, t'es capable de tuer pour une histoire d'ego. Oh, dans les cités, beaucoup de façons vont trop tôt. Oh, range ton couteau.